le 20 octobre de l'année précédente, après la souscription close, le président du Gun Club avait crédité l'Observatoire de Cambridge des sommes nécessaires à la construction d'un vaste instrument d'optique. Cet appareil, lunette ou télescope, devait être assez puissant pour rendre visible à la surface de la Lune un objet ayant au plus 9 pieds de largeur. À l'époque où le Gun Club tenta sa grande expérience, ses instruments, lunettes et télescopes étaient singulièrement perfectionnés et donnaient des résultats magnifiques. Mais les grossissements obtenus ne dépassaient pas 6000 fois en nombre rond. Or, il fallait produire des grossissements de 48000 fois. On se décida à employer le télescope, qui est d'une exécution plus prompte et permet d'obtenir de plus forts grossissements, et d'établir l'instrument sur l'une des plus hautes montagnes de l'Union, ce qui diminuerait l'épaisseur des couches aériennes. Il fallut se contenter des montagnes rocheuses. Tout le matériel nécessaire fut dirigé sur le sommet de Long's Peak, dans le territoire du Missouri. Dire les difficultés de tout genre que les ingénieurs américains eurent à vaincre, les prodiges d'audace et d'habileté qu'ils accomplirent, la plume ou la parole, ne le pourraient pas. Ce fut un véritable tour de force. Les mille obstacles, le génie des Américains en triompha. Moins d'un an, après le commencement des travaux, dans les derniers jours du mois de septembre, le gigantesque réflecteur dressait dans les airs son tube de 280 pieds. La première fois qu'il fut braqué sur la Lune, les observateurs éprouvèrent une émotion à la fois curieuse et inquiète. Qu'allait-il découvrir dans le champ de ce télescope qui grossissait 48000 fois les objets observés? Rien que la science ne connut déjà, et sur tous les points de son disque, la nature volcanique de la Lune put être déterminée avec une précision absolue. Mais le télescope des montagnes rocheuses, avant de servir au Gun Club, rendit d'immenses services à l'astronomie.